Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antenoé. Hoje é terça-feira, estamos a 26 de outubro de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou de volta então aqui às emissões da Rádio Antenoé, já desde domingo, mas ao Musicália só hoje. E estou de volta para lhe trazer então música francesa. Talvez o ouvinte me diga então, mas novamente música francesa? Não, mas esta era da década de 30. Não sei se o ouvinte está recordado que há uns tempos nós trouxemos aqui um pouco da história da música francesa. Primeiro falamos da década de 1890-1900, destas duas décadas. Depois saltamos para a década de 1930. Vamos para a de 50, 80 e a atual. Aliás, 50, 60, 80 e depois a atual. Ora, mas na década de 1930 nós chegamos... Nós fizemos um especial de Edith Piaf. Mas nem só de Edith Piaf viveu a música francesa naquela década. Então hoje, o que nós vamos fazer é trazer-lhe uma música por cada ano, desde 1931 até 1939, e sempre por ordem. Começamos em 1931 e acabamos em 1939. A música que vai abrir o nosso programa chama-se Tu m'oublieras, a música de Dania. Foi gravada em 1931. De 1932, ficamos Les Pieds dans l'eau. A música então gravada... É muito engraçada esta música. É interpretada por Mireille e Jean Sablon. A música que vai então ouvir, de 1932, Les Pieds dans l'eau. É uma música engraçada e começa de uma forma muito original. Então, para aquela época, de uma forma bem original. Vamos fechar com a voz de Arletty. O tema que lhe vou trazer dá pelo nome de La femme est fait pour l'homme. É então assim que vamos abrir mais uma emissão de Musicália. A emissão então dedicada à música francesa dos anos 30. Vamos a isto. Até já. Car la joie est éphémère. Ne dis pas non, ton grand amour n'est qu'une adorable et folle chimère. Je ne crois pas au monde toujours, il fait couler des larmes trop amères. Et le cœur là, tu partiras un jour, tu m'oublieras. Oui, par toi je connaîtrai les chagrins, les regrets, douleurs extrêmes. Mais pourquoi nous alarmer quand on parle d'aimer? Je t'aime. Vois-tu, qu'importe le destin, le bonheur incertain, les peines. C'est le bonheur du moment qui rive seulement nos chaînes. Tu m'oublieras peut-être un jour, car la joie est éphémère. Ne dis pas non, ton grand amour n'est qu'une adorable et folle chimère. Je ne crois pas au monde toujours, il fait couler des larmes trop amères. Et le cœur là, tu partiras. tu m'oublieras. Elle est bonne? Ah, ah oui, oui. Qu'on est bien avec les pieds dans l'eau. Près du petit bois, c'est un étang. Un petit étang et des plus grands. Le soleil est un éclatant. Nous avons dit, baignons-nous à l'instant. Un duc, on est heureux. Quand on trempe ses pieds dans l'eau bleue, tous les soucis s'évanouissent. Lorsqu'on est dans l'eau jusqu'à l'épine, un duc, on est heureux. On se sent le cœur sous la peau. On oublie tout avec délice qu'on est bien avec des pieds dans l'eau. Il existe sur la terre des gens aigres et jaloux. Avec un sale caractère, pourquoi ne font-ils pas comme nous? Un duc, on est bien mieux. Tout vous sourit, tout paraît beau. Tous les soucis s'évanouissent. Qu'on est bien avec les pieds dans l'eau. L'eau. Venez, mademoiselle, approchez-vous d'eau. Je ne sais pas nager. Prenez une leçon. Je vais vous montrer comme c'est bon. Et nous allons nager comme des poissons. Un, deux, marchez un peu. Un, deux, trois, mon Dieu, que c'est froid. Ne craignez rien, mademoiselle, je vous tiens par-dessous les aisselles. Un, deux, plongez un peu. Mais c'est affreux, j'ai de l'eau plein les yeux. Je ne veux pas mourir encore. Cramponnez-vous bien fort à mon corps. Monsieur, entre deux brasseries, vous venez de m'embrasser. Et puis je me sens glacée. Je vous en supplie, cessez, assez. Un, deux, j'aime bien mieux. Regagnez le bord de mon bleu. Pour parler, ne vous en déplaise. Nous y serons beaucoup plus à l'aise. Si vous n'aimez pas la nage, je ne veux pas vous fâcher. Retournons sur le rivage. Le soleil va nous sécher. Un, deux, on est bien mieux. Tout vous sourit, tout paraît beau. Tous les soucis s'évanouissent. Qu'on est bien avec les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Il fut bien surpris, il fit stupéfait ce petit joujou. Vamos então continuar com música nesta nossa emissão, dedicada então à música francesa. A música chama-se Concezo au tout de passé. É assim que se chama esta melodia, gravada em 1936 por Paul Colin. É um intérprete que em 1936 gravou uma das músicas de maior sucesso então na altura. Numa altura em que a França já vendia confortavelmente os seus discos, então, de 78 rotações. Vamos escutar então esta música. Aliás, peço desculpa, eu estava aqui a dar a data errada. 1934, assim está correto. De 1935, ficamos com Suzy Solidor, a música Tout comme un homme, música então que ela interpretou em 1935. E agora sim, em 1936, ficamos com Kate Friel. A música chama-se Et voilà pourquoi. A música então gravada, esta sim, em 1936. São então as três músicas que vai poder escutar já de seguida, ficando na companhia da Rádio Antena Web. Au coin des galeries Lafayette et du boulevard Rossemont, à coups de sifflets à roulettes et à coups de bâton blanc, un brave agent de carrefour attentif à ce que ça circule faisait traverser tour à tour les piétons et les véhicules. Passez, passez, passez les autos. Passez, passez, passez les piétons. Quand j'ai sifflé, passez aussitôt. Allons, passez sans faire attention. Et tant pis si les autos sont bousculés par les piétons. Pas de discussion, pas de boniment. Foncez dans le tas, c'est le règlement. Quand c'est aux autos de passer, c'est pas aux piétons de traverser. Quand c'est aux piétons de traverser, c'est pas aux autos de passer. Si le piéton veut traverser, quand c'est aux autos de passer, ah, tant pis s'il est renversé, c'est tête aux autos de passer. Quand c'est aux autos de passer, c'est pas aux piétons de traverser. Quand c'est aux piétons de traverser, c'est pas aux autos de passer. Allez, roulez! Malgré ce règlement facile, un piéton s'élança. Juste au moment, le pauvre imbécile, où il ne fallait pas. L'agent lui dit, allez-y donc, mais je vous préviens, figure d'andouille, que je ne vous donnerai pas raison si une auto vous écrabouille. Passez, passez, passez les autos. Passez, passez, sacré nom de nom. Quand j'ai sifflé, passez aussitôt. Allons, passez, sans faire attention à cette espèce d'imbécile de piéton à qui je vais fiche une contravention. Voulez-vous passer? Pas de boniment. Voulez-vous passer? C'est le règlement. Quand c'est aux autos de passer, c'est pas aux piétons de traverser. Quand c'est aux piétons de traverser, c'est pas aux autos de passer. Si le piéton veut traverser, quand c'est aux autos de passer, tant pis s'il est renversé, c'est aux autos de passer. Quand c'est aux autos de passer, c'est pas aux piétons de traverser. Quand c'est aux piétons de traverser, c'est pas aux autos de passer. Allez, roulez! Comment porter par une trombe, le piéton fit trois tours. On l'enterra et sur sa tombe, on fit de beaux discours. Le brave agent vint à son tour très ému comme bien on pense. Voilà, dit-il, c'était un jour où je faisais avec conscience. Passez, passez, passez les autos. Passez, passez, passez les piétons. Quand le défunt, cette espèce d'idiot, a traversé sans faire attention, juste en plein milieu de la circulation, se fait renverser par une espèce de vieille citron. Il a coupé un rond de saucisson. On se l'a mis dans une jolie situation. Je le plains. de toute ma commisération. Mais je ne lui donne pas raison. C'est épouvantable. C'est triste, vraiment. Mais que voulez-vous? C'est le règlement. Quand je saute de passé, c'est pas piéton traversé. Quand c'est au piéton traversé, c'est pas saute de passé. Si le piéton veut traverser quand c'est aux autos de passer, tant pis s'il est trépassé. C'était aux autos de passer. Quand c'est aux autos de passer, c'est pas au piéton traversé. Quand c'est au piéton traversé, c'est pas aux autos de passer. Allez, roulez! Chaque soir, près des vieux remparts, à la porte du nouveau bar, où chante une blonde acclamée. L'équipage est là, bouche bée. Le petit mousse est tout tremblant, on voit pâlir ses joues en pomme. Il écoute les yeux ardents, tout comme un homme. La belle fille en le fixant chante de jolis mots troublants. Le gamin croit dans sa jeunesse que c'est à lui qu'elle s'adresse. Puis il va se vanter au vieux de caresser les seins en pomme. Déjà menteur et vaniteux, tout comme un homme. Un soir, on le croyait à bord, il voit la belle aux cheveux d'or entre les bras du quartier maître. Le mousse voudrait ne plus être. Dans l'ombre noire, il est allé vers une maison qu'on renomme. Et là, le gosse s'est saoulé, tout comme un homme. Demain, l'équipage repart, c'est la dernière nuit au bar. La blonde chante encore, je t'aime. Le petit mousse est là quand même. Et quand il parle l'air décidé, on croit qu'il s'en va faire un somme. Mais dans la mer, il s'est jeté, tout comme un homme. Il était mince, il était blond, il avait des cheveux très longs qui lui tombaient sur ses oreilles, un doux visage et des yeux gais, avec je ne sais quoi distingué, qu'il distinguait de ses pareils. Je veux parler des autres merlans, et Dieu sait s'il l'était pourtant. Voilà pourquoi chaque dimanche je remettais ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais. Mais un soir du mois de février, sans qu'il eût même le temps de crier, le grand Julot l'a descendu à la suite d'un malentendu. Mais ce coup de couteau qui me l'a ravi, je peux dire qu'il a brisé ma vie, car c'est un coup qu'on m'asséna au coin du boulevard Masséna. Voilà pourquoi chaque dimanche je ne remets plus ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais. Voilà pourquoi chaque dimanche je ne remets plus ma robe blanche E chegamos então ao final da nossa emissão. Vamos ficar com três músicas neste fecho de programa. Vamos ficar primeiro com a música de Edith Piaf, de 1937, Mon Légionnaire. Ficamos ainda com Barnabé, de Fernandel, música gravada em 1938. E fechamos com Si tu passes à la Surène. É assim que se chama esta música. Aliás, Si tu passes par Surène. É a música então gravada em 1939 por André Pasdok. É assim que se chama o intérprete que vai fechar mais uma edição do nosso Musicalia. Hoje então, dedicada à música francesa da década de 1930. E então é assim que fechamos mais um programa. Já a seguir, lá fora. Fique bem e tenha uma boa noite. Até amanhã. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne, sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit, et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire, j'avais peur de le voir sourire. On l'a trouvé dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts, dans le ciel passaient des nuages. Il a montré ses tatouages en souriant et il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris, montrant son cœur ici, personne ne savait pas, je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin, mon légionnaire. On irait loin, tous les deux, dans quelque pays merveilleux, plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Je ne suis pas gangster pour me faire appeler Bébert, ni porteur à la gare du Nord sous le nom de Toto. Je ne suis pas garçon, coiffeur pour qu'on m'appelle Raymond, mais je possède, c'est parfait, un nom qui plaît, Barnabé. Barnabé, Barnabé, c'est assez facile à épeler. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B-E-B. Vous voyez que c'est très drôle, je trouve le petit truc amusant. Et vous pourrez, ma parole, vous faire la langue en les plans. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B-E-B. Avoir vos yeux bleus, des cils d'un centimètre ou deux, du sexe à pile un peu partout, et des cheveux flous. Un nez aquilin, avec le profil norvégien, tout ça ne vaut pas en vérité un nom qui plaît. Barnabé, Barnabé, c'est assez facile à épeler. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B-E-B-E. Vous voyez que c'est très drôle, je trouve le petit truc amusant. Et vous pourrez, ma parole, vous faire la langue en les blancs. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B-E-B-E. Si tu passes par Suresnes au premier jour de printemps, tu verras près de la Seine une barque peinte en blanc. On l'appelle la sirène, c'est écrit sur son avant. Si tu passes par Suresnes au premier jour de printemps, j'y rêvais avec ma belle, au beau temps de nos 20 ans. On chantait la ritournelle éternelle des amants, le pavillon de dentelle claquait sous les coups du vent. On jurait d'être fidèles l'un à l'autre éperdument. Si tu passes par Suresnes au premier jour de printemps, tu verras près de la Seine une barque peinte en blanc. Comme les amours anciennes, elle meurt bien tristement. Si tu passes par Suresnes au premier jour de printemps, j'appris un jour que légère, elle oubliait nos serments. Ce fut d'abord la colère, les regrets, puis les tourments. Alors j'ai quitté la terre où fleurit notre roman. Depuis, l'amour de naguère quitte mon cœur lentement. Au premier jour de printemps, tu détacheras la chaîne de ma barque peinte en blanc. Alors près de quelques grèves sombrera mon bateau blanc, comme a sombré le beau Rhin.